Ouais, vous devrez le véridique. Et pas écouter, Je suis style blanc qui veut tout baiser comme dans les princes de la ville. J'ai fait du placard sur ma vie, je suis impeccable dans mes abus. Je veux du LV, je veux du coup de check. Qu'est-ce que tu penses avec tes coups de shot? Avale la dernière gouttelette. Attends pour ça, je me secoue le zob. Pillage, je fais pas l'homme. Où on va te comparer tel quel? T'as beau mettre des talons. Si tu te fais baiser, c'est que t'es qu'une chaîne. Y'en a qui déballonnent. Quand tu passes en cours d'appel, dis pas que t'as le bras long. Où mes loups te l'arracheront. Je traîne avec des mecs des terres. Certains ont des avant-bras de bûcheron. Alors évite la patate. Ou les altercations. Rien à foutre, tu fasses des alters. Si t'as rien dans le casson, on connaît les casse-pipes. Les meufs qui taillent des pipes, les mecs qui tapent placé, les autres qui tapent des tripes. Donc c'est normal que devant tout ça, les tarots tripent. Moi je reste au garrot, shit dans le jac quand j'écoute de la zip. Je ne compose que des classiques, je devrais être connu, mais ma bite. Je préfère recruter des rappeurs dans incroyable talent. Ou incroyable comme on dit talent, je commente et tu vis ce talent. Gars c'est marrant, en tout cas moi ça me fait marrer, ça les arrange. Que des raclos payent pour ces PD, ils ont trop peur de ceux qui viennent de la rue la vraie. Donc je dédicace mon équipe, les boycottés. LOS Gringos, le VULFP. Pour tonton les alliés à ceux qui nous supporteront. Narco Al-Qaïra et la team Leonardo. Que des vrais raclos, là se suit jusqu'à Croix de Chavo. J'aime ma BXL connexion, je rappe pour tout le monde, pas besoin de pognon. Pose pas tes plats dans mon plat, qu'est-ce que je m'en fous de tes conditions. Ça boit du whisky, pas de l'opate, malgré la défense, continuons d'avancer. Lâcher du sac quand on se trouve devant le micro. Y'a tant de mythos gros, échec, je vise dans le micro. Je veux voir ma vie en rogue, moi et mes frères on touche le bingo. Et je plie les gos, tu bouffes les pissenlits par la racine. Épidémie de mecs assistés, je sais où finissent les racistes. Me facile au dia si je suis très peu laxiste. Je fais pas partie du showbiz, alors me tapez pas la bise. 9mm dans le casson, oui ça rafale, y'a plus basse. Ton mauvais payeur, je te prends le balcon. On shoot sa tête comme un ballon de la street, réagis le bras long. Le chiffre qui touche à le plafond baisse d'un ton. Même avec du pognon, tu me baisseras que des tons. Je suis entouré de décombres. Nique les schmitts qui tournent à la cité, leur contrôle vient in la de leur comique. Au faux plastifié, faux pacifié, sois pacifié. Si t'es un schmitt, on te dit ta mère peut pacifier. J'ai le passé triste, tu peux demander à mes partenaires. J'ai besoin d'un splitter pour me retrouver en apesanteur. Parle pas de tes peurs, tes histoires de cœur. On connaît la tristesse par cœur. Rôle de parcours, je rêve d'être blindé dans le pleura. Comme tout passe, chaque cours, tout passe un jour. T'inquiète, tu veux de la peu du shit, tout passe par nous. Tu trouveras tout douce, grave partout. Faut des sous l'état en partout. Sur la tête de ma bagousse, hashtag on te pète la bouche. Si t'es bon, on te pète la boule. Un massage, un pétard de douche. J'ai grandi dans le 9-4 en passant par le 93. En finissant par la souci, histoire que mes soucis s'apaisent. Pour les salopes, je suis une sale bête. Je sais ce que j'ai au fond de la tête. Comme toutes les guerres, y'a des pertes et des vainqueurs. On entendra parler ta carcasse au journal 20h. Il reste qu'à ravaler ta peur. Quand je piaf, je suis rabat ta peur. Paye tes rabatteurs pour vendre, va falloir que tu joues l'acteur. On tape fort comme la foot, qui est ou pas la foule. Protégez vos boules, elle sera chaude, on viendra la douille. Où ça coule de source, faut que tu vides ta bourse. Y'a pas de caresse douce, ça reste douce. Y'a que des coups de boule. En conso 1-12, pour les coups de blouse. En conso 1-12, pour les coups de blouse. Et ça coûte de source, faut que tu vides ta bourse. Y'a pas de caresse douce, y'a que des coups de boule. En conso 1-12, pour les coups de blouse. En conso 1-12, pour les coups de blouse, frère. Agent V, les boycottés, V2 vrai, le véridique. Tu connais toute ma clique. Ouais, ouais. Des frérots de BX, VU, Tonton les alliés, Narco Al-Qaïra, Team Leonardo. Si, si, pour mon frérot Kobe, Pingouin. Ouais, ouais, Swahex, la force, frérot. Si, si, V2 vrai, les boycottés. Ouais, ouais, 93, 94, BXL, se suit. Tu connais, on se suit. Eh. Hey.